Le chargé d'affaires par intérim de Suède en Corée a rendu une visite consulaire le 14 courant à Lim Chun-soo, Canadien en exécution de peine, selon le jugement intéressé de décembre 2015, pour ses actions hostiles contre notre République. Lim Chun-soo lui a raconté l'état de sa santé et prié de transmettre au gouvernement canadien sa demande de faire des efforts actifs pour la solution de son problème. La République populaire démocratique de Corée réalise la visite consulaire de l'ambassade suédoise en Corée, chargée des affaires de protection consulaire à l'égard des citoyens canadiens en Corée, à partir de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et de l'humanitarisme.